Chargé plein jour comme dans The Wire. Et mes soldats sont riches mais ils ont pas de médailles. Si on te cherche, sûr que tu vas vivre ailleurs. Foutu volant, tu guidons. Et quelques contacts albanais. Vois ta gant, RS3, 1143, Marseille, calibré, mal garé. Y'a la merde synthétique, y'a celle de Reptom. JVL, IVS, flingue dans le péplum. Vers la sapule à prison avant les élections. Shit en capsule, passe au béton. Sacoche haute poteau, la crosse touche le menton. Des gilets, des guitares, des glocks, des pitons. Ça veut garer le million, sa mère Louis Vuitton. Noir, blanc, arabe, feuge, corse et gitan. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne. Enfuite sur la recette, tu sais que c'est de la récée. File-nous la recette, c'est bientôt la récée. Tu veux rabaisser, pas d'ABS, c'est l'ABC. Canoncier, vitre baissée, c'est l'ABC. Y'a pas de voleur ici, que des gens dans le besoin. Tout ce qui a de la valeur ici ne peut pas s'acheter le zin. Frère en or, affaire en or, autant au sud qu'au nord. Ça recherche l'oseille fort comme si c'était Sarah Connor. La mort attend au tournant, ta part de béné. Qui a le choix, les tourments. Tout va béné, pour un oui, pour un non. Balle perdue, couse béné. Prêt à tout pour se faire un an, pas besoin d'être à béné. On te donne même pas l'heure, sur le terrain, aucun surhomme. Notre amour n'est pas l'heure, Karachnik, on va sur on. La tête est dans la maille, on pleura dans la masse. Et si tu parles mal, tu finiras dans la malle. ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne. J'suis dans la berline, j'connais le pain par cœur comme Berlin. Transaction au carrefour le Merlin. A deux sur le GSX, la mentale. Un 3 capital du rap, la Vendôme. Nique les bandeurs d'hommes, j'déguste avec madame. Trop de coups de traite sur le cœur, j'disais ma tombe. Ils avaient pas cru en moi, ils avaient creusé ma tombe. Fais gaffe dans le check, ça veut te corrompre quand même attends. J'te fais des hits, appelle-moi Robert De Niro. Arrête de nous faire go, tu fais ma traque par des minots. Une balance et c'est tout le monde qui tombe comme des dominos. J'suis pas finir comme Annie, me faire tuer par mon binôme. De travers la BM, j'suis pas Eminem. Pour ce que j'suis, y'en a qui m'aiment. Seul dans la ruelle, venez en plusieurs, je suis sur la bruème. H24 au sud, à me casser la voix, pas comme Patrick Bruel. Avec le S et le rang, fais un son cruel. Y'a rien de sensuel. Depuis que j'ai percé, c'est insensuel. Tu connais le signe, Jules, fais la gestuelle. Hein? Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne. Pas d'ABS gros, là c'est les fantômes. Major sur Navarro, Juliesco. Paname escro, tueur et escro. Fourgon noir, cagoulé, place Vendôme. Et les ballots de coq, au port autonome. Illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on met la gomme, octrice et mossos. De 40 quand on monte d'Espagne.